Que t'as dit sur moi ça m'a touché. Trop facile les choses à reprocher. Et tu pourras pas dire que j'ai pas fait tes erreurs, j'ai toujours étouffé. Et ça sera plus comme avant. On s'éloigne tout doucement. Plus comme avant. Loin tout doucement. On s'est lancé des pics sans s'écouter. Du coup la distance se fait sentir abusée. Tu me parles, tu me demandes de me décider. Mais moi dans ma tête je veux juste vendre mes CD. Je t'ai donné la main quand tu doutais. J'ai fait briller ton cou, tes doigts quand tu boudais. Je t'ai bien écouté, ce qui m'a touché c'est quand tu disais que notre histoire était faussée. Arrête tout ça, c'est du cinéma. Arrête tout ça, c'est du cinéma. Ce que t'as dit sur moi ça m'a touché. Trop facile les choses à reprocher. Et tu pourras pas dire que j'ai pas fait tes erreurs, j'ai toujours étouffé. Et ce sera plus comme avant. On s'éloigne tout doucement. Plus comme avant. Loin tout doucement. Dis-moi en quel honneur tu cries devant mes parents. Je t'insulterai pas car j'ai qu'une seule parole. Les sentiments qu'on se calme dans les parages. C'est le manque d'amour qui te créera des caresses. J'étais formidable, Stromae. Me fais pas jurer sur ma vie. Je parle à une autre car ça va trop vite. Je t'aimais d'amour sur ma vie. Je peux plus ralentir, elle voudrait revenir, c'est mort. Je peux plus ralentir, elle voudrait revenir, c'est non. Ce que t'as dit sur moi ça m'a touché. Trop facile les choses à reprocher. Tu pourras pas dire que j'ai pas fait tes erreurs, j'ai toujours étouffé. Ce sera plus comme avant. On s'éloigne tout doucement. Plus comme avant. Loin tout doucement. Ce que t'as dit sur moi ça m'a touché. Trop facile les choses à reprocher. Tu pourras pas dire que j'ai pas fait tes erreurs, j'ai toujours étouffé. Ce sera plus comme avant. On s'éloigne tout doucement. Plus comme avant, loin, tout doucement. On ne se doit plus rien. Je ne garde que le bien, je suis comme amputé d'une main. On ne se doit plus rien. On ne se doit plus rien, maman. Je ne garde que le bien, je suis comme amputé d'une main. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel. Ça brûle comme le feu de Los Angeles. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel, maman. Tout ça c'est réel, ça brûle comme le